il n'y a que l'islam. C'est tout. Que l'islam. Et la religion, elle est complète. Elle est parfaite. Le défaut, il est chez nous. Si des gens viennent dire, mais ça, ça, ça, on dit, ça, ça vient peut-être de nous. D'un musulman, c'est mal comporté. Allah ne l'a pas appelé à faire cela. Si demain un musulman vole, je ne dis pas les musulmans, c'est des voleurs, on dit non. Des musulmans volent, et le vol en islam est interdit. Tu dis, des musulmans qui tuent injustement. On dit, ce qu'ils font, ce n'est pas permis. Ça. La faute, elle vient d'eux. Pas de nous. Du moins, pas de l'islam. La religion, elle est parfaite. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit cela. Il est innocent de cela. Donc, de ne pas bien différencier entre l'islam et le musulman. D'accord ? Car l'homme, il est faible. On est amené à commettre des fautes. On n'est pas infaillible. Faire des péchés. Et nos fautes, Allah et son messager en sont innocents. Nos fautes, nous-mêmes, nous les porterons au Yom al-Qiyamah. Pas eux. Et ces fautes-là, l'islam n'y a pas appelé. Ou même, tu auras fait une chose que l'islam aura ordonnée, tu l'auras mal faite, tu l'auras mal compris, tu auras interprété, tu auras fait une erreur, cette faute-là vient de toi, pas de l'islam. Ce qu'on fait de bien, cela est pris des enseignements de l'islam. Et ce qu'il y a de bien chez les koufars, tu trouveras chez les mécréants, coordonnés avec l'islam. Ils n'ont pas une chose qu'ils font de bien sans que l'islam soit d'accord avec. Si ce n'est pas une chose que l'islam a ordonnée ou recommandée, au minimum, elle ne sera pas en opposition. Elle ne sera pas en opposition avec les textes religieux. Il n'y aura aucune opposition entre les textes. Tu trouveras toujours un dalil, même général, qui va accepter ce jugement. Un exemple, comme souvent, le code de la route. Le code de la route, à la base, sont eux qui l'ont apporté, les mécréants. Et bien, ils rentrent dans les masalikh des musulmans. Comme quand le ta'ala, voilà, t'as tout le monde, foussakoum. Vous ne vous tuez pas vous-même. Et en islam, les biens sont à protéger. Les vies sont à protéger. Donc le code de la route, il vient pourquoi ? Protège les biens, protège les vies. Donc on ne dit pas que c'est une chose de chaque groupe de koufar. On dit non, c'est une chose générale, et elle nous sert à nous aussi. Et l'islam y appelle. L'islam y appelle. Maintenant, si on veut, on peut mettre nous, allez, on dit que le feu vert, ça veut dire on s'arrête. Le feu rouge, on ralentit. Le feu orange, on avance. On peut changer les couleurs, c'est pas un problème. On peut changer les couleurs, c'est pas un problème. Ça c'est une maslaha qui vient au gouverneur. C'est lui qui décide. Mais s'il a mis cela, on a affiché. Ça ne contredit pas l'islam. Donc bien comprendre. La faute du musulman vient du musulman, de son ignorance, peut-être de ses passions, d'accord, peut-être d'une autre raison. Que les gens disent pas, votre religion, votre soleil, ça c'est un mal. On dit c'est un mal, qu'on ait une preuve, c'est un bien, tu n'as pas compris toi. Tu n'as pas compris. Mais si jamais vraiment c'est un mal, eh bien alors déjà la faute vient à l'individu et pas à la religion. C'est pour ça qu'on doit faire attention à ce qu'on fait devant les gens. On a une masoulia azima. On a une grande responsabilité. Que le musulman fait attention à ce qu'il fait. Surtout, sous les salafis. Car les gens savent que c'est lui l'emblème de l'islam. Le barbu en kamis. C'est lui que les gens y regardent. Si demain un petit jeune qui fait salat, qui a une apparence quelconque, qui fait un mal, les gens vont le critiquer. Mais si jamais c'est un salafi, alors là, il rentre dans un magasin, il voit la balabar, il se fait attraper, alors là, c'est comme si les bras qui le manquent. Regardez le barbu, regardez ce qu'il fait. Une femme voilée, elle a fait un truc qu'il fallait pas faire. Alors, elle a fumé une cigarette, elle a oublié de la faire. Regardez la femme voilée tout de suite. Tout de suite. Ils n'entendent que ça. Comme un exemple que les ulama donnent souvent. Le muslim, et particulièrement le salafi, mustaqim, est comme un homme qui a un vêtement blanc, brillant, éclatant. La moindre tache, elle va se voir tout de suite. Une tache dessus, petite qu'elle soit, va la voir tout de suite. Tiens, t'as une tache. Ils ne vont pas voir que tout le reste du camis, il est propre et repassé. Ils vont dire, t'as une tâche. Non, je me suis sali, je n'ai pas fait exprès. Et la tâche, à la base, c'est pas le camis, je ne l'ai pas acheté comme ça. C'est moi qui l'ai faite, la tâche. Ils ont le camis, à la base, il est blanc, tout propre, machallah, sur mesure. Et bien, eux, ils ne voient pas ça. Ils voient la tâche. Oh, regarde, t'es sale. Non, c'est une tâche comme... Toi, ta chemise, elle est noire, mais si jamais on la mettait à je ne sais pas quoi, elle serait pleine de je ne sais pas quoi. Quoi qu'il en soit, on fait attention à ce qu'on fait, car les gens nous regardent. Et même nos comportements, tu me darwa. Comme l'explique, même tu ne parles pas, tu ne viens pas avec des versets, des hadiths, dans ton comportement, tu peux attirer beaucoup de gens. Car tu les intrigues dans ce que tu fais. Ils voient ton mode de vie. Comment il est, et t'en as, ça les interpelle. Il dit, mais c'est quand même surprenant ces gens-là, comment ils vivent. Et un jour, il vient te poser des questions. Tu lui réponds. Et c'est Allah Wafar qui dit, je vais être comme toi, moi aussi. Car on ne peut nier que l'islam a les meilleures valeurs. Les valeurs humaines sont dans l'islam seulement. Pas dans les rois de l'homme, comme eux, ils prétendent. Dans l'islam, elles sont les valeurs humaines, les réelles. Car c'est Allah qui nous a créé, cette religion est la sienne. Naam.